peut pas vivre tout le temps en renonçant à ses envies. On devient fou, on devient malheureux et on emmerde son entourage. Sans quand la squale, pas de panique, la squale pour un classique. Je suis venu les déclasser, foutre la pagaille dans le classement. Fais pas le mytho, gros, tu m'entends, ouais, tu m'écoutes, t'es à la poule. Ta poule au tige, mais la farce, j'ai tes racines et ça facile. Un petit clin d'œil, bon avis, je m'en vais clipper à Barcelona. Celle-ci, ma gueule, c'est pour moi. Ah, je vends du bédo et de l'arabe, là. Arrête de gigoter, le poteau, ma gueule va te ligoter. À ce qui paraît, t'as des lingots. Le filon, c'est Bendero. Au fait, Fillon, c'est un escroc. Et Sarko, il vend de la coco. Mais c'est la folle, le fumier, lui diminue sur le terrain. Je te parle de mon époque où pour un dit, je te pète les reins. J'ai chillé là où ça craint. Ma gueule, je vais te voler tes poitins. Et je te parie que je vais faire du sale, sortir le jade de la cavale. Pourquoi serait pas nous, je t'ai dit pourquoi serait pas nous. Moi et ma mère, une villa au bord de la mer. J'aimerais bien te parler de la folle, de sa vie et de ses galères. De la rue et de la banane, c'est cette bienvenue à la banane. M'appelle pas mon frérot, surtout si tu craches sur mon dos. Doucement ma gueule j'y vais, et bien sûr tout seul je serai. Aujourd'hui ça fait trois mois que la scole est née. Aujourd'hui je vous dis merci, casse avec vous que j'vais tout niquer. Y'a pas de hasard, j'suis pas flemmard et rappelle-toi que c'est résumé. Aujourd'hui ça fait trois mois que la scole est née. Casse avec vous que j'vais tout niquer, rappelle-toi que c'est résumé. Ma gueule j'suis pas un vénard, j'sors de la rue, j'suis un cafard. J'suis un requin pas un fêtard, 14ème son il sort tard. Aujourd'hui ça fait trois mois que la scole est née. Casse avec vous que j'vais tout niquer, rappelle-toi que c'est résumé. Ma gueule j'suis pas un vénard.